Chapitre 7e, le monstre. Dès le soir même, Fouinard avait téléphoné au préfet de police pour lui demander un rendez-vous à la première heure. On l'attendait à 8 heures. Le docteur Tozan avait tenu parole, il avait travaillé toute la nuit. Ils furent introduits dans le cabinet du préfet qui, tendant la main à Fouinard, lui dit « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. « J'ai bien réfléchi et j'avoue que j'ai perdu mon latin. » Vous jugerez de la valeur de mes découvertes, dit modestement Fouinard, et monsieur le docteur Tozan appuiera, je crois, à mes conclusions. On se rappelle que monsieur Larose était un vieil ami du docteur Tozan et que c'était lui qui l'avait mis en relation avec Fouinard. Fouinard a encore réalisé un chef-d'œuvre, dit le docteur. Oh, ne perdons pas notre temps à nous complimenter, dit Fouinard. J'ai quelque idée que nous ne pouvons nous permettre aucun loisir. Écoutez-moi donc. Très clairement, aussi rapidement que possible, et cependant sans omettre aucun détail, Fouinard exposa toute l'affaire en fournissant toutes les pièces à l'appui. « Nous possédons 4 de ces timbres post-mortels, » conclut Fouinard. « Nous pouvons encore en sacrifier un pour que votre certitude soit complète. Ne pourriez-vous pas faire une expérience immédiate au laboratoire de la préfecture, sur un cobaye par exemple ? Est-ce bien nécessaire ? » objecta le docteur Tozan. J'ai apporté les principaux organes du rat empoisonné et nul ne songera à mettre en doute les termes de mon rapport. Vous avez raison, dit M. Larose, mais vous ne connaissez pas mon personnel. Il suffit que la vérité vienne du dehors pour qu'il soit prêt à la discuter et même à la nier. Après l'émotion dont a été secoué Paris, il faut des démonstrations tellement éclatantes que l'évidence s'impose. Ne m'en veuillez pas, mon cher Tozan, mais j'agis dans notre intérêt à tous. Du reste, vous me ferez plaisir en assistant à l'expérience du laboratoire et en y prenant part. Le docteur, M. Vernet, sera on ne peut plus flatté de travailler avec vous et nous n'aurons plus à craindre son opposition. À vos ordres, dit le docteur. Les employés furent appelés et des informations prises. Justement, le directeur du laboratoire s'y trouvait avec ses préparateurs. Il était prêt à exécuter les ordres du préfet. Celui-ci les lui adressa par écrit, sous forme courtoise et pendant que le docteur Tozan se rendait au laboratoire, le préfet resta seul avec Fouinard. « Mon ami, lui dit le préfet, je ne vous adresserai pas de banals éloges. Le service que vous nous rendez est au-dessus de toute récompense. Je ne sais ce que je dois le plus admirer, de la subtilité admirable de vos déductions ou de la simplicité des moyens que vous employez. Ah, ce n'est pas vous qui cherchez à vous faire valoir. Le dernier de nos agents ferait plus d'esbrouf pour avoir arrêté un ivrogne. « Vous me comblez, » fit Toto en souriant. « Seulement n'oubliez pas, monsieur le préfet, que si quelque chose est fait, il reste encore beaucoup à faire, et le plus difficile, c'est de surprendre le monstre, auteur de tous ses forfaits. « Ah, vous avez raison, et c'est là ce qui me paraît plus difficile encore. Comment, dans une ville comme Paris, découvrir un homme dont la piste ne laisse aucune trace ? Avez-vous quelque indice ? Un seul, le timbre du bureau de poste où le misérable met ses lettres, le bureau de la rue des Abbesses. C'est vrai, cela circonscrit un peu le champ des recherches. À supposer qu'il n'ait pas choisi un bureau éloigné de sa demeure pour dépister les recherches. En ce cas, il aurait mis ses lettres tantôt à un bureau, tantôt à un autre. Non, non, il demeure bien à Montmartre. Soit, mais je frissonne. Rien qu'en pensant autant qu'il faudra la sûreté pour avoir fouillé le quartier. « Eh bien, monsieur le préfet, je vais vous indiquer la marche qui, selon moi, pourrait être suivie. Ne croyez surtout pas que je me donne pour avoir la science infuse et que je fasse blanc de mon épée. Parlez, je vous connais. Aucune idée fâcheuse ne peut entrer dans ma tête quand il s'agit de vous. » Les yeux de Fouinard avaient pris cette singulière fixité qui indiquait chez lui la tension cérébrale. « Voici, dit-il, l'homme qui a combiné cette infernale affaire n'est pas le premier venu. C'est un savant, un chimiste émérite. Le docteur Tozan vous expliquerait que la préparation de la thanatidine demande une habileté peu commune, des instruments très perfectionnés, des précautions infinies, et de plus un assez grand nombre de produits chimiques. On ne peut la préparer qu'en très petite quantité, presque infinitésimale, et elle coûte fort cher. L'homme, le monstre, doit se procurer les éléments de son nid de travail, c'est-à-dire acheter des produits chimiques en quantité appréciable et souvent renouvelée. car ils ont ce défaut d'être extrêmement volatiles et de ne se point conserver. Or, les marchands de produits chimiques établis à Montmartre ne sont pas si nombreux qu'il ne soit possible de s'enquérir auprès d'eux. « Vous avez raison, » dit le préfet. « J'ai établi, dit Fouinard, deux listes. L'une des produits nécessaires à la fabrication de la thanatiline, l'autre des négociants de produits chimiques de Montmartre et à quartier limitrophe. En tout, 27. Ce sont recherches rapides et faciles, et à moins de hasard contraire et bien improbable, il est à supposer qu'on obtiendra des informations d'un grand intérêt. Oui, oui, le moyen est excellent. Je vais immédiatement donner des ordres pour que ces recherches soient entreprises immédiatement. » Fouinard tira sa montre. « Attendons, si vous le voulez bien, 10 minutes encore. Pourquoi ? Parce que, si je ne m'abuse, ces ordres seront inutiles. Vous parlez par énigme. Mais je ne sais pas discuter vos volontés. J'attends. » Et les 10 minutes ne sont même pas écoulées, s'écria Fouinard, tandis que retentissait sur le bureau du préfet la sonnerie du téléphone. « Écoutez, dit Fouinard, je crois que cela nous intéresse tous les deux. » Le préfet porta le récepteur à son oreille. « Oui, je suis le préfet lui-même. »« Ah, monsieur Fouinard ? » ?»« Oui, il est là. Il vient tout de suite à l'appareil. »« C'est une femme qui vous demande, » dit-il en lui passant les récepteurs. « Chouette !» fit Fouinard. Il se mit à causer. « Ah, c'est vous, ma petite Susan ? » ?»« Bien. » « Ah, parfait, exquis. Vous êtes un amour de femme. » « Ah, vraiment ? Mais c'est superbe. » « Bon, ne bougez pas. Je cause avec le préfet et je vous dirai ce qu'il faut faire. » Et se tournant vers M. Larose, « L'assassin, le bandit, l'empoisonneur, se nomme Barcolin. Il demeure rue Houdon, 17. Il se fournit de produits chimiques à la grande maison Labor, rue Caulaincourt. « Quoi ? Vous savez tout déjà ? Et qui donc fait ainsi votre police ? Une petite amie, rien qu'amie, à moi. La sœur de la pauvre fille qui a été naguère étranglée à la porte Saint-Martin, et qui m'est reconnaissante de ce que j'ai sauvé Michel Gervais des griffes de M. Charlet. Dès ce matin, elle a couru les marchands de produits chimiques et n'a pas été longue à découvrir que les produits dont je lui avais donné la liste, et qui rarement sont achetés ensemble, l'étaient par un personnage falot, bizarre, qui se fournissait à la maison Labor, et qui n'avait, vous le concevez, aucune raison pour cacher son nom. C'est vrai. Et encore une fois, c'est si simple. Attendez, je cause encore avec elle. Susan, allô ? Bien. Vous avez bien fait. Et... Ah, diable ! On ne sait rien ? Bon. Restez là et voyez s'il rentre. Ça m'étonnerait. Bonjour, ne téléphonez plus ici. J'ai quelque idée que je n'y resterai pas longtemps. Madame Crayou est prévenue. Bien, au revoir. Vous avez compris, dit Fouinard au préfet. Cet homme, ce Barcolin maudit, est sorti. Naturellement, on ne sait ni où il est, ni quand il rentrera. Susan reste en observation. Voulez-vous que je la fasse remplacer par des agents ? Je crois que ce sera inutile. Tirant sa montre, « Je vous demande cette fois 5 minutes de patience. Qu'espérez-vous donc ? Oh, une chose bien simple, allez. Vous savez, monsieur le préfet, il se peut qu'il y ait un peu de casse. Vous me couvrirez, n'est-ce pas ? Parbleu ! Soyez sûr que vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi. Et encore le téléphone ? Allô, oui, je suis le préfet. Monsieur Fouinard, il est dans mon bureau. Attendez un instant, il vient à l'appareil. » Et la transmission du récepteur étant faite, Fouinard écouta. « Ah, c'est toi, Michel ? » !»« Oh, oh, oh, c'est épatant. » !»« Parbleu, c'était indubitable. » »« Oui, oui, solidement. » »« Et puis il y a le tiou-tiou. » »« Oui, chez moi. » »« J'arrive. » »« Ah, mon brave Michel, quel chouette type tu fais. » »« Voilà, monsieur le préfet. » Un misérable qui veut se procurer le plaisir de tuer des êtres humains, en croyant ne courir aucun risque, est impatient de savoir s'il a réussi. Et quand il a envoyé une de ses lettres meurtrières, il s'offre la maligne jouissance de venir chez le concierge de la victime choisie prendre des nouvelles de son mort. Si gredin qu'on soit, on n'en est pas moins bête. Tablant sur la stupidité caractéristique des criminels, j'avais envoyé mon ami Michel s'installer dès l'aube chez la mère Crayou, qui est ma concierge. « Voyez-vous, monsieur le préfet, Tout ça, c'est les braves gens, et qui se feraient couper en quatre pour une chose juste. Et nous ne nous étions pas trompés. Le Varcolin, qui m'espérait mort depuis la veille au soir, s'est amené tout à la douce pour demander à la mère Crayou si j'étais visible. Michel était là, solide au poste. Il a dévisagé ce bonhomme et à certains traits que je lui avais décrits d'avance, teint jaune, yeux creux, nez d'aigle. Les camards ne sont pas criminels, et plus on l'est, plus le nez s'arque. Michel l'a deviné et a sauté dessus. Il l'a entraîné dans la loge, et là il l'a ficelé, comme un saucisson d'Arles. Et puis, il l'a monté dans mon domicile. À ce qu'il paraît, il n'a rien dit, mais par précaution, j'ai dit qu'on lui mette dans le bec un petit instrument de caoutchouc qui est bien drôle. Alors le monstre est arrêté. Pas officiellement, dit Fouinard, car Michel est en contravention. Il agit sans mandat. Il s'agit de régulariser ça. Le préfet, quel que fût son sang-froid, était dans un état d'agitation qui lui laissait à peine la direction de sa pensée. Mais, se ressaisissant bientôt, il fit appeler le commissaire aux délégations judiciaires, le chef de la sûreté, et avec trois inspecteurs, tout ce monde roula en automobile vers le faubourg Saint-Martin. La maison paraissait très calme. Maman Crayou balayait philosophiquement. Mais quand elle vit Fouinard, elle leva les bras au ciel. « Michel ? » demanda-t-il. « Il est là-haut, monsieur Fouinard, avec l'autre. Ah, ce qu'il s'est tortillé ! Et quelle sale tête !» Un instant après, on pénétrait dans l'appartement de Fouinard. L'homme, solidement ligoté, était étendu sur un canapé. Immobile, son masque était d'une pâleur cadavérique. C'était un squelette, aux cheveux gris clairsemés. Les yeux, brûlés de fièvre, semblaient rentrer dans leurs orbites. Le nez semblait un bec d'oiseau de proie. Fouinard lui enleva le bâillon. « Vous êtes un monstre hors de l'humanité, » lui dit le préfet. « Mais la loi vous protège comme tous les citoyens. » Vous n'êtes pas forcé de répondre à mes questions avant d'être pourvu d'un avocat. Je vous interroge, libre à vous de vous taire. Vous reconnaissez-vous l'auteur des empoisonnements par la thanatidine qui ont épouvanté Paris ? Le misérable ouvrit les yeux tout grands. Sa bouche se tordit et il cria « Oui, oui, oui ! Ah ! Vous me tenez, je m'en fous. J'en ai tué assez. Vous croyez savoir quelque chose ? Ah ah ! Imbécile que vous êtes ! J'en ai tué plus de 100. 127, pour être exact. La liste est chez moi. Vous me torturerez. Vous me tuerez. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Mais pourquoi avez-vous commis ces crimes horribles ? Pourquoi ? Parce que je hais la société. L'humanité tout entière. On n'a pas voulu me comprendre. J'ai proposé à tous les ministres des inventions qui révolutionneraient le monde. On n'a pas voulu m'écouter. On m'a jeté à la porte. Je me suis vengé. Je suis content. Qu'on fasse de moi ce qu'on voudra. Je tuais. La mort me coûtait 2 sous. C'est pour rien. Ah, ce que j'ai ri. Une perquisition fit découvrir chez lui un laboratoire installé dans les conditions les plus scientifiques. Le misérable tenait registre de tous ses crimes, avec les noms, les adresses, les circonstances de la mort. La nouvelle de cette arrestation provoqua dans Paris une émotion énorme. Un soupir de soulagement s'échappa de toutes les poitrines. Un journal ouvrit une souscription en faveur de Fouinard, qui produisit en 15 jours plus de 200 000 francs, dont il donna la moitié aux pauvres de Paris. Désormais, il était sacré grand homme, sauveur. Pour un peu, on lui proposait la présidence de la République. Il eut le bon goût de se tenir tranquille et d'attendre une occasion nouvelle de mériter la sympathie enthousiaste qu'on lui témoignait. Ce qui lui plaisait surtout, c'est qu'il avait gagné en cette affaire un ami de plus, son chien Isaac. Quant à Barcolin, il ne passa pas en cour d'assises, il mourut de congestion cérébrale dans sa prison. « Enfin, je vais me tenir tranquille !» s'écria Toto, qui rêvait toujours de villégiature. Mais il comptait sans les événements, et quand arriva le drame de la maison tragique, il fallut bien se grouiller de nouveau, et d'attaque. Ainsi s'achève « La mort à dessous », une enquête de Toto Fouinard par Jules Lhermina.